tienne à l'écart. Ouais, c'est le retour du Hakkal. Hamdoulilah, j'ai des armes de déco. Dis-moi, c'est lequel qui veut nous faire la bagarre. On est fiers de nous. Ouais, on est fiers de nous. Par les vrais, on est soutenus. Si tu viens pour nous faire le loup, wallah, tu repars tout nu. Ça passe comme un nigance, voyou avec élégance. Oh les amis, c'est fini les vacances. Cette année, c'est la guerre et y'aura pas de danse. Pas de zumba, pas de show. Faut remplir le frigo, mais ouais, mon ami Goro. Pas de zumba, pas de show. Mets-moi un beat électro. Go, go, go. Toujours en vie, je remercie Dieu. J'pèse le game et je remercie Joule. J'profite, on va pas mourir vieux. C'est nous qui faisons peur aux genoux. Aha, y'a les condés au quartier. Rabat le petit lance de mortier. Rabat tous les clients portiers. Si tu fais ton noyau, on va t'ouvrir un danger. Chargé, tu veux faire un hit, tu veux faire un feat. Nique tes morts. Chargé, tu nous envoies des pics. Travaille avec les Smith. Nique tes morts. Chargé, personne ne t'invite et tu viens dans le vif. Allez, nique tes morts. Chargé, chargé. C'est les mains ceux qui me kiffent. Salam à ceux qui me kiffent pas. Alhamdoulilah, j'ai du bif. Donc c'est normal que je me prive pas. J'sors un album pour le kiff. J'mange à la pompe pour le kef. Pendant que je la baise, elle me griffe. J'ai le pouvoir de la quiche. J'vais les cabrer, j'vais les marbrer. Sur la mec, j'ai le quartier avec moi. Tu m'as gavé.